Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Salvador Allende et le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Viva Chile! Viva el pueblo! Viva los trabajadores! Pour nous, le 11 de septembre, c'est une chose inattendue. Mais jamais à penser que toutes les forces armées sont déjà en contre du gouvernement populaire. La veuve de Salvador Allende, de passage à Montréal en octobre 1973, juste avant elle, vous entendiez Salvador Allende s'adresser une dernière fois au peuple chilien avant de se donner la mort le jour même du coup d'État du 11 septembre 1973. Le renversement de Salvador Allende par Augusto Pinochet en 1973 a marqué la fin abrupte du rêve d'une révolution socialiste démocratique au Chili. Ce coup d'État de 1973 va aussi conduire de très nombreux Chiliens à fuir la dictature de Pinochet. Beaucoup d'entre eux trouveront d'ailleurs refuge chez nous. La gauche, les ouvriers, les paysans, les employés, les techniciens, les intellectuels ont triomphé au Chili. Et la nuit de la victoire, il y avait 200 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu une vitre de cassée, pas une automobile d'abîmée. Pas un seul de nos adversaires qui ait pu dire qu'on l'ait offensé, même en parole. Mais en revanche, les secteurs battus, l'extrême droite, a essayé de conspirer, a fait tout ce sabotage économique, et maintenant elle a des mercenaires pour placer des bombes. Alors où est la démocratie? Nous, nous allons la faire, la démocratie, parce que le peuple va y participer, et pas une minorité. Maintenant, quand un peuple a conscience des buts qu'il veut atteindre, et que ce peuple est capable de sacrifices, et moi je suis sûr que le peuple chilien est mûr, parce qu'il a compris, et il en comprendra mieux demain, que nous devons tous faire des sacrifices. Pourquoi? Pour semer pour l'avenir. Nos deux, trois premières années vont être très dures, mais sur la base d'un gouvernement droit et moral, et qui abandonne les privilèges pour une minorité, et ça c'est mon grand atout, l'intérêt, le patriotisme et la morale du peuple chilien. Sur l'air de Venceremos, un hymne chanté par les partisans de l'Unité populaire, cette coalition de gauche qui a conduit Salvador Allende à la présidence du Chili en septembre 1970, vous entendiez Salvador Allende, justement, commenter le contexte de son élection à l'émission Format 60, diffusée le 30 octobre 1970. Pour nous expliquer le contexte dans lequel sera élu Salvador Allende, pour nous rappeler son projet politique, pour nous décrire également les circonstances qui entoureront le coup d'État du 11 septembre 1973, je reçois Juan Luis Klein, qui est professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal, lui-même chilien et qui est arrivé donc au Québec en 1974. Juan Luis Klein, bonjour. Bonjour. Quand vous repensez à cette période-là, vous étiez au Chili donc au moment de l'élection de Allende, au moment du coup d'État de 1973. Quand vous repensez à Salvador Allende, à son rêve, au rêve qu'il portait, qu'est-ce qui vous revient tout de suite spontanément en tête? Je ressens une immense émotion. Oui. C'était des moments émouvants, des moments d'extase, parce qu'on pensait qu'on était capable de changer le monde dans une perspective de démocratie, d'égalité, à partir d'une démarche qui était démocratique. Oui. Et c'est ça qui était extraordinaire. Et tout ça, évidemment, va être brisé par ce coup d'État. Vous allez sentir, puis on y reviendra probablement, qu'il y a beaucoup de tensions entre 70, l'élection d'Allende, et 73, le coup d'État du 11 septembre. Mais ce coup d'État-là, qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire de votre pays, M. Klein? Ça a été d'abord la fin de l'expérience socialiste démocratique qui avait lieu jusqu'à là et qui a duré 3 ans. Ça a été aussi le début, je crois, d'un changement très important au Chili. Le pays a changé. Pendant 17 ans, il a été sous la gouverne d'une dictature. Le système économique a changé. Le système social a changé aussi. Et par la suite, le pays, finalement, en est sorti un peu changé. La culture du pays, les valeurs ont changé un peu. En fait, le Chili, ce pays qui en 70 avec Allende, il n'était pas seul. Ces Chiliens qui rêvent de cette révolution socialiste démocratique, ce Chili-là, ce même Chili, est aujourd'hui probablement un des tigres, un des champions du capitalisme, du néolibéralisme en Amérique du Sud. Absolument. Ouais. Et cet esprit solidaire que le Chili avait eu depuis longtemps, oui, s'est affaibli un peu. Et l'individualisme, l'argent, l'appât du gain, oui, c'est quelque chose qui habite encore, je crois, beaucoup de Chiliens. Avec vous, on va faire le parcours de ce rêve d'Allende. Commençons par le situer lui-même un peu. Il appartient, d'une certaine façon, à une grande famille, mais racontez-nous qui il est, Salvador Allende. Alors, Salvador Allende, c'est un... il vient d'une famille qu'on pourrait dire un peu noble, en fait, noble au sens noble du terme. Ses ancêtres ont participé à l'indépendance du Chili, ont été derrière, au sens strict du mot, du libérateur du Chili, qui était O'Higgins, Bernardo O'Higgins. Son grand-père a été un personnage important, un médecin important, qui a pratiqué la médecine sociale, mais aussi en même temps très impliqué dans la société. Une tradition familiale forte. Sur le plan politique, il s'est inscrit dans tous les mouvements qui se sont développés au Chili à partir des années 20, les mouvements étudiants, ensuite une sorte de république socialiste qui a eu lieu en 1932. Ensuite, il a participé au premier front populaire qui a gagné des élections déjà avec les partis communistes, hein, les partis socialistes, les partis communistes et les partis radicaux en 1938. Et par la suite, il a été un parlementaire jusqu'à l'élection député, sénateur, président de la Chambre du Sénat. Ouais. En fait, une personnalité importante au Chili. Et en fait, dans cette longue carrière politique, avant qu'il ne soit président, il va tenter sa chance quatre fois. Quatre fois, il va se présenter à l'élection présidentielle au Chili, en 52, en 58, en 64 et en 70. Qu'est-ce qui fait qu'en 70, ça y est, c'est le bon coup? Comment il réussit à se faire élire en 70, M. Klein? Alors, il faut dire qu'il s'est fait élire parce qu'il y avait trois tendances. Une tendance de droite, une tendance centrale, de centre, et une tendance de gauche. Le vote a été relativement partagé, si bien qu'il a été élu avec 30 et quelques pourcents, 33%, quelque chose comme ça, ou 36%, je ne me souviens pas bien. Mais disons avec ça, il n'avait pas la majorité. Donc, il a fallu qu'il passe à une deuxième étape, comme une deuxième ronde. Cette ronde avait lieu dans le congrès des députés et des sénateurs, et la démocratie chrétienne, qui était la tendance centrale, et qui, à ce moment-là, avait un programme qui n'était pas si différent que ça de celui de Salvador Allende, qui avait des éléments qui étaient proches, a accepté, suite à des négociations, a accepté de donner son appui à l'élection du président. Oui. Et même la gauche, en fait, doit faire, à ce moment-là, en 70, il y a une coalition qui permet à Allende de remporter cette élection-là, la fameuse unité populaire. C'est déjà ça, pour avoir ce 30-quelques pourcents, il a fallu faire coalition. La gauche a dû faire coalition. Ouais. Depuis le début, hein. Ouais. Allende, en 1952, a incarné le Front del Pueblo, le Front du Peuple. Ensuite, en 1958, il représentait le Front d'Action Populaire. C'était le FRAP à ce moment-là. Et il y avait là déjà les partis socialistes et les partis communistes. En 1964, il était aussi le représentant d'une coalition où il y avait le Parti socialiste, le Parti communiste, oui, et à l'unité populaire. Là, c'est six partis, dont les trois plus importants, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical et trois autres partis, donc indépendants de gauche, chrétiens de gauche, qui vont amener toutes ces forces pour canaliser le vote de ceux qui voulaient changer le pays. Donc, il réussit à prendre le pouvoir le 4 septembre 1970. Il a une idée très claire au moment où il prend le pouvoir de ce qu'il veut. C'est un projet qu'il propose de signer. Il sait ce qu'il veut pour son pays. Pour comprendre justement ce qu'il a en tête, d'où il part aussi politiquement, je dirais même idéologiquement, on l'écoute lors d'un discours qui est devenu célèbre, discours que prononce Salvador Allende aux Nations Unies le 4 décembre 1972. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Nous sommes en face d'un véritable conflit frontal entre les grandes multinationales et les États. Les États subissent de l'ingérence dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, de la part d'organisations globales ou multinationales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun parlement, par aucune institution représentative de l'intérêt collectif. En un mot, c'est toute la structure politique du monde qui est ébranlée. Les grandes entreprises multinationales ne portent pas seulement atteinte aux intérêts des pays en voie de développement, elles nuisent aussi, par leurs actions dévastatrices et incontrôlées, aux pays industrialisés où elles s'installent. Notre confiance en nous renforce notre foi dans les grandes valeurs de l'humanité et dans la certitude que ces valeurs doivent prévaloir. Elles ne pourront être détruites. Incontrôlée, sera aussi dans les pays industrialisés où se asientan. Comment résumer la pensée, le programme politique de Salvador Allende à Juan Luis Klein? Mais d'abord, dire que ce qu'il décrit, finalement, n'est pas si différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Hein? Mais ça se présente de différentes façons. Son programme est très simple. C'est un programme anti-impérialiste et fondamentalement internationaliste. En même temps, c'est un programme de nationalisation des ressources naturelles. C'était le cuivre qui était la ressource la plus importante au Chili. Mais il pensait, lui, en termes de nationalisation des ressources naturelles de différents pays de l'Amérique latine, ouais, et du tiers-monde. C'est une pensée tiers-mondiste. Il pense aussi à l'industrialisation du pays, au progrès économique et à l'industrialisation du pays avec l'aide de l'État, avec l'appui de l'État. Et déjà, il y a en lui une pensée qui est à la fois socialiste et à la fois, on va dire keynésienne, en fait, social-démocratique, ouais, mais avec la perspective d'un changement social fondamental, de construction d'un socialisme démocratique et la modernisation des campagnes. Ouais. Ça, c'est le troisième élément. La fameuse réforme agraire. La réforme agraire, le Chili est un pays qui, sur certains plans, était assez avancé, assez moderne, mais au niveau des campagnes, il ne l'était pas. Il y avait des grandes propriétés. Évidemment, ça impliquait des inégalités très fortes entre les grands propriétaires et les paysans. Et un des éléments les plus importants pour lui, c'était d'amener l'égalité entre les pauvres et les riches. Donc, ça passait par la réforme agraire. Comment réagissent réforme agraire, nationalisation de certaines industries? Comment réagissent les milieux économiques chiliens, les grandes multinationales qui sont présentes au Chili à ces réformes d'Allende? Alors, premièrement, il faut dire que la nationalisation des ressources naturelles, la nationalisation du cuivre, implique évidemment des capitaux étrangers, des capitaux états-uniens et capitaux étrangers qui vont réagir, et ça dès le départ. Hein, oui. Ça a été prouvé, comment AT&T a motivé toute une réaction qui va progresser par la suite et s'accroître par la suite. La bourgeoisie nationale n'a pas embarqué dans le processus. Pourtant, elle aurait pu même tirer profit, mais elle n'a pas embarqué. Oui. Et elle a assez rapidement mis tout ses efforts pour bloquer le processus. Et les grands propriétaires, évidemment, les grands propriétaires terriens, eux, ils ont tout fait pour fomenter le coup d'État. Et les États-Unis, bien sûr, qui vont... Quel rôle ils auront, les États-Unis, dans ce coup d'État de 73? Alors, les États-Unis vont, dès le départ, même avant, ils avaient déjà planifié de ne pas permettre la réussite de l'expérience chilienne. Parce que cette expérience était... Mais évidemment, elle était importante pour le Chili, mais elle n'était pas importante que pour le Chili. Il y avait d'autres pays dans le monde, oui, qui avaient des caractéristiques similaires, qu'ils auraient pu se voir, disons, intéressés par, inspirés par cette expérience. Donc on voulait tuer ça dans l'œuf. Dans l'œuf. Ouais. Il y a quelque chose qui, a posteriori, est étonnant, mystérieux. Le 23 août 1973, le général Pratt, qui est un allié d'Allende, qui dirige l'armée chilienne, démissionne. C'est Salvador Allende qui nomme son successeur Augusto Pinochet, qui va le renverser quelques semaines plus tard. Pourquoi cette décision-là? Parce que, premièrement, il ne savait pas à quel point Augusto Pinochet allait devenir un traître. Parce qu'il a trahi la confiance que le président lui a portée. Il avait, disons, assuré le président qu'il était fidèle à la Constitution. Parce qu'ici, ce n'était pas une question d'être avec le gouvernement ou contre le gouvernement. C'était être avec la Constitution ou contre la Constitution. Oui. Le président incarnait la Constitution légitime. Et Augusto Pinochet avait assuré le président qu'il était pour respecter la Constitution, ce qu'il n'a pas fait. D'abord, il a commencé par donner un coup d'État à l'intérieur de l'armée, parce qu'il y avait quand même des militaires qui n'étaient pas prêts à se lancer dans cette aventure. Il a d'abord donné un coup d'État à l'intérieur de l'armée. Il s'est emparé de l'armée et ensuite il s'est emparé du pays. Et comment ça se passe concrètement, ce fameux jour fatidique du 11 septembre 1973? Alors, ça commence le 10, ça commence à Valparaiso. L'armée, la marine se soulève, ensuite les autres forces, et Pinochet forme une espèce de junte militaire avec quatre représentants des différentes forces militaires, en incluant la police, et il commence par donner un ordre au président et au gouvernement d'abandonner le pouvoir. Oui. Il menace de bombarder la Moneda. Et comme le gouvernement ne le fait pas, mais il commence à bombarder la Moneda. Et c'est comme ça qu'il est. Le palais présidentiel. C'est ça, le palais présidentiel qui s'appelait la Moneda. Ouais. Et donc, c'est la fin. Et juste avant, parce qu'on sait maintenant qu'il va se suicider, juste avant de s'enlever la vie, Salvador Allende va s'adresser une dernière fois aux Chiliens. Le peuple doit se défendre et non se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser cribler de balles, mais ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleur de ma patrie, j'ai confiance au Chili et à son destin. D'autres hommes iront au-delà des temps obscurs et amers dans lesquels la trahison s'est imposée. Continuez à aller de l'avant tout en sachant que bientôt s'ouvriront de grandes avenues sur lesquelles passeront des hommes libres de construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas inutile et qu'il aura pour le moins une sanction morale. La félonie, la lâcheté et la trahison seront punies. La félonie, la cobardie et la trahison. Parlez-moi de ce discours-là, de son importance, du message qu'envoie Salvador Allende aux Chiliens à ce moment-là. Alors, ce message est très important parce que, évidemment, les travailleurs, les étudiants qui étaient derrière lui, ils étaient prêts à se battre. Et, bon, le message dit, on ne veut pas une guerre civile, on ne veut pas un pays qui se détruise, on veut conserver les forces de façon à plus tard pouvoir revenir. Okay. Et ça a été quelque chose de très important. Oui. Je le disais, il y a eu toutes sortes de rumeurs. On sait maintenant, je pense que c'est avéré, vous me corrigerez, Juan Luis Klein, mais il s'est suicidé, Salvador Allende. Pourquoi? Comment interpréter ce geste-là? Je pense que depuis le début du soulèvement, parce qu'on voyait venir le soulèvement, ouais. Hein? On n'était pas préparé pour ça, mais on voyait venir le soulèvement. Et je pense que Salvador Allende avait dit dans sa tête qu'il ne permettrait pas aux militaires de s'emparer comme ça du pays et qu'il allait payer avec sa vie. Il l'a dit, je vais payer avec ma vie. Et il veut devenir un symbole. Ouais. Il veut incarner la résistance au fascisme. À ce moment-là, c'était le fascisme. Et puis, il veut donner l'exemple pour que le peuple se mobilise plus tard pour reprendre le chemin. Ouais. Vous étiez au Chili à l'époque, Juan Luis Klein. Est-ce que vous l'aviez deviné, ce coup d'État? Avez-vous été surpris quand le coup d'État s'est produit? J'ai été surpris, je pense que je peux dire, nous avons été surpris par la forme et l'ampleur. Ouais. Nous n'avons pas été surpris par un soulèvement. C'était déjà, on voyait déjà que... Il y avait eu un premier semi-soulèvement quelques mois auparavant, hein, mais ça avait été contrôlé et on s'attendait à quelque chose de différent. Mm-hmm. On savait qu'il y avait une réaction à l'intérieur de l'armée. On pensait qu'il y aurait une partie de l'armée qui allait rester fidèle et qu'il y aurait une autre partie qui allait se soulever. Mais ce qui a surpris vraiment, c'est la discipline avec laquelle Pinochet a pu compter pour mener l'ensemble de l'armée, même chez ceux qui n'étaient pas d'accord. Ceux qui n'étaient vraiment pas d'accord, les a tués. Donc le chef de, en fait, le père de Michel Bachelet, qui a été jusqu'à il y a quelques semaines présidente de Chili. Hein. Mais les autres, il y avait à l'intérieur de l'armée des gens qui n'étaient pas d'accord, mais il a imposé une discipline qui a amené l'ensemble de l'armée à se révéler. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous? Vous êtes venu au Québec après ce coup d'État en 1974, l'année suivante. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, ce coup d'État de 1973? Ça a été la fin d'un rêve. Nous, on pensait qu'on était différents. On était sûr qu'au Chili, c'était possible. Mmh. D'ailleurs, on l'a dit, il y a eu une république socialiste en 1932, un gouvernement de gauche, lui, en 1938. Par la suite, les différentes parties de gauche, légaux, avec des députés, des sénateurs, Salvador Allende qui se présente quatre fois au nom de la gauche. Donc, on pensait que c'était possible. Ouais. Parce qu'on croyait que le Chili était profondément démocratique. Mmh. Ce que j'ai découvert, c'est que le Chili n'échappait pas aux rapports sociaux qu'il y a dans des systèmes sociaux comme le système capitaliste, et que la bourgeoisie et ceux qui sont affectés par les grandes réformes sociales réagissent violemment. Aujourd'hui, Juan Luis Klein, il reste quoi de cette figure d'Allende dans le Chili d'aujourd'hui? Alors, je crois que Allende est aujourd'hui respecté comme un personnage important. Pour certains, c'est un héros qui a donné sa vie pour la cause chilienne. Il y a des mouvements sociaux qui sont inspirés par l'exemple d'Allende, mais aussi paradoxalement, le Chili a été gouverné pendant plus de 20 ans par une coalition qui unissait les partis socialistes, la démocratie chrétienne, avec à la fin une participation du Parti communiste. Et nous, on n'a pas réussi à revenir au concept de société qu'on avait à cette époque-là. Juan Luis Klein, professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal, directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.